La première épître de Jean. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce texte de la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, pourrait, me semble-t-il, résumer cette épître. En effet, le premier objectif de l'apôtre était de sensibiliser ses lecteurs à l'amour de Dieu et à ses effets dans la vie du croyant. On ne s'étonnera donc pas de trouver 37 fois le mot « amour » ou le verbe « aimer » dans ces 5 chapitres. Si l'apôtre insiste tant sur ce thème, c'est qu'il en était rempli, lui, le premier. Pourquoi ? Le Seigneur Jésus avait rencontré Jean et son frère Jacques sur les rives de la mer de Galilée. Ces pêcheurs de profession étaient des hommes simples et rudes. Jésus les a surnommés « fils du tonnerre » (Marc 3, 17). Peut-être en raison de leur caractère plutôt entier, impulsif, voire colérique. Jacques et Jean étaient vraiment fils du tonnerre lorsqu'ils proposèrent un jour que le feu du ciel descende et consume les Samaritains qui n'avaient pas voulu recevoir leur maître. Luc 9, 54. Mais le Seigneur les enseigna. Écoutons-le, Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Mes petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et n'entendons-nous pas l'écho de ces paroles de Christ dans l'épître de Jean ? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 8. Et c'est ainsi que, peu à peu, Jean est devenu le disciple de l'amour. Vers la fin de son évangile, il parle à diverses reprises de lui-même comme du disciple que Jésus aimait. Jean 13, 23, 19, 26, 20, verset 2 et 21, verset 7. C'est dire à quel point l'amour de son Seigneur l'avait pénétré et transformé. Et lorsque 50 ans plus tard, il prend la plume pour exhorter les croyants, le Saint-Esprit l'inspire à développer ce thème. N'était-il pas particulièrement bien placé pour reprendre ce message qu'il avait reçu de son maître et qui avait transformé sa vie ? Il y a des similitudes de langage très marquées entre les paroles du Seigneur dans l'Évangile selon Jean et les phrases de l'apôtre dans ses épîtres. Car Jean ne s'est pas seulement imprégné du message de son maître, mais des expressions même qu'il employait. Il en est ainsi, par exemple, de l'appellation « mes petits-enfants » utilisée par Jésus-Christ pour ses disciples lorsqu'il se trouvait seul avec eux. Or, cette expression jalonne le message de la première épître de Jean. C'est au point que le docteur Scofield, dans ses commentaires de la Bible, établit son plan de cette épître sur la base de cette expression. Je cite ce plan. « Les petits enfants en communion avec Dieu et entre eux » chapitre 1, verset 3 à chapitre 2, verset 11. « Les petits enfants et leurs ennemis » chapitre 2, verset 12 à 27. « Les petits enfants et le retour du Seigneur » chapitre 2, verset 28 à chapitre 3, verset 3. Les petits-enfants en contraste avec les enfants du diable, chapitre 3, verset 4 à 24. Les petits-enfants et les faux prophètes, chapitre 4, verset 1 à 6. Les petits-enfants affermis et mis en garde, chapitre 4, verset 7 à chapitre 5, verset 19. Pourquoi l'apôtre insiste-t-il sur cette expression « petits-enfants » ? D'une part, il présente aux jeunes croyants leur Père céleste, ce Père avec qui ils peuvent avoir communion en vertu de l'œuvre de Christ son Fils, chapitre 1, versets 5 à 7. D'autre part, il sait que les convertis auxquels il s'adresse sont encore bien jeunes dans la foi. Peut-être que plusieurs d'entre eux sont des nouveaux-nés en Christ. L'apôtre sait aussi que ces jeunes croyants sont vulnérables à l'esprit d'Antéchrist, cet esprit diabolique qui règne déjà dans le monde, chapitre 2, versets 18 et 22. Ils doivent apprendre à ne pas ressembler à Caïn, dont le cœur était si plein de haine qu'il a tué son frère. Chapitre 3, verset 12. Ils doivent aussi discerner les esprits pour être préservés des fausses doctrines. Chapitre 4, verset 1 à 6. Leur foi doit s'affermir pour triompher du monde. Chapitre 5, verset 1 à 4. Enfin, il importe qu'ils soient gardés des idoles, telles que l'amour de l'argent, l'orgueil, bref, tout ce qui, dans le cœur du croyant, prend la place du Dieu véritable. Chapitre 5, verset 20 à 21. Mais comment ces petits-enfants dans la foi grandiront-ils dans la connaissance de leur Seigneur? Car il faut qu'ils passent de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, dans le domaine spirituel, bien sûr. C'est ce que l'apôtre exprime au chapitre 2, versets 12 à 14. « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Nous l'avons dit, les petits-enfants sont vulnérables à toutes sortes de dangers. Mais les jeunes gens deviennent capables de résister à la tentation et de vaincre le malin. Et les pères peuvent engendrer de nouvelles vies en Christ, autrement dit, amener d'autres personnes au salut. Or, seule la parole de Dieu mise en pratique peut opérer cette croissance. Prenons donc soin de la lire assidûment, c'est-à-dire de nous nourrir de l'Écriture sainte. Ainsi, nous deviendrons des croyants fermes et forts, discernant les esprits, déjouant les ruses du diable et luttant résolument pour la cause de Christ. Et il y a plus encore. Si la parole de Christ nous remplit, nous aurons à cœur de la faire connaître à d'autres. Penchons-nous une fois encore sur un parallèle entre l'évangile selon Jean et l'épître de Jean. Le verset le plus connu de la Bible est celui de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyons maintenant l'épître de Jean, aussi chapitre 3, aussi verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ces deux versets de Jean 3, 16 sont donc intimement liés. Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il l'a donné pour nous sauver. À notre tour donc, de ne pas épargner notre vie, mais de la donner pour nos frères, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'aucun d'entre eux ne périsse, mais qu'ils parviennent à la vie éternelle. Deux tableaux ont fait la célébrité de Steinberg, un peintre allemand du XVIIIe siècle. Le premier s'intitule « La petite danseuse tzigane » et le deuxième « La crucifixion ». Ces deux œuvres, apparemment sans rapport entre elles, sont pourtant liées par les circonstances qui les ont vues naître. L'artiste avait choisi comme modèle une jeune fille tzigane. Pendant qu'elle posait, elle avait tout loisir de regarder les premières ébauches du tableau de la crucifixion de Christ, auquel Steinberg travaillait à la même période. Elle fit alors à l'artiste une remarque toute simple. « Il devait être un homme terrible pour être condamné de cette manière. »« Eh bien non, » répondit le peintre, « c'était au contraire le meilleur des hommes qui ait jamais vécu. Il est mort pour tous les autres. » « Mais alors, » dit la jeune tzigane, « est-ce qu'il est aussi mort pour vous ?» Cette question bouleversa Steinberg. Jamais il n'avait pensé que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire puisse le concerner personnellement. Il en fut si troublé qu'il n'eut aucun répit jusqu'à ce qu'il fasse l'expérience du salut en Jésus-Christ. Puis Steinberg acheva son œuvre représentant le crucifié, non sans ajouter un commentaire au bas du tableau. « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Le jour vint où les toiles de Steinberg furent exposées au musée de Düsseldorf. Beaucoup de personnes eurent ainsi l'occasion de les admirer. Un jeune comte, nommé Zinzendorf, se rendit un jour au musée. Le tableau de la crucifixion l'arrêta net, et il demeura cloué sur place, les yeux rivés sur le crucifié. La phrase écrite par l'artiste l'avait atteint comme une flèche. « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Les personnes qui accompagnaient le comte poursuivirent leur visite. Et c'est le gardien chargé de la fermeture du musée qui l'arracha à sa contemplation. Mais Zinzendorf était devenu un autre homme. Il avait accepté Christ comme son sauveur. Dès lors, il lui consacra sa vie et sa fortune. Il fonda l'église morave et les missions qui en dépendent. Et de nombreux serviteurs du Seigneur partirent jusqu'aux extrémités de la terre pour y proclamer l'évangile, amenant ainsi des milliers d'âmes au salut en Jésus-Christ. Zinzendorf avait été vaincu par l'amour de Dieu, au travers de l'œuvre d'un artiste, lui aussi devenu chrétien. Chers auditeurs, avez-vous ouvert votre cœur à l'amour de Dieu, cet amour qui avait gagné tour à tour la jeune tzigane, le peintre et le comte, cet amour qui a saisi des millions d'âmes depuis 20 siècles? Acceptez le message de l'amour de Dieu. Lorsque vous l'aurez accepté, c'est par amour que vous offrirez votre vie à Jésus-Christ pour gagner d'autres personnes à cet amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tel est le message du disciple de l'amour dans l'épître de l'amour, cette première épître de Jean que nous vous invitons à relire tout à nouveau.